flirte avec une infirmière. Depuis que je sors avec une infirmière, ma vie est devenue extraordinaire. Elle est mon anxiolytique, ma pilule magique. Elle m'enlève tous mes tics, sa thérapie est magique. Sa compassion a une action d'antiseptique sur mes blessures psychiques. Je trouve son allure si chic qu'elle booste ma condition physique. Elle me rassure, elle éradique mes courbatures. Elle déploie de sa mallette des phrases qui soignent le mal-être. Elle déclenche la délivrance de mes souffrances. Les douleurs, elle les extermine. Jasmine, c'est ma morphine. Elle me bombarde d'endorphines. C'est ma dope, ma vitamine. C'est ma dopamine. Ses aptitudes me désinfectent de mes inquiétudes. Mes douleurs chroniques sont du passé. Elle me les a toutes effacées. Une péridurale durable dans le temps. De ses pores s'évapore des extraits naturels médicinaux. C'est peut-être un effet placebo, mais il me faut un patch pour que je ne pense plus à elle. Elle régule mon équilibre émotionnel. Un sevrage d'elle et j'ai des troubles du sommeil. Il suffit d'un tête-à-tête pour que je perde mes maux de tête. Elle déclenche la délivrance de mes souffrances. Les douleurs, elle les extermine. Jasmine, c'est ma morphine. Elle me bombarde d'endorphines. C'est ma dope, ma vitamine. C'est ma dopamine. Ma copine, c'est un centre thermal. Ses miracles relèvent du banal. Ses paroles ont le même effet que le paracétamol. En conclusion, elle est la clé de ma santé. C'est pourquoi j'ai besoin de mon apport journalier. Les scientifiques m'ont contacté par cabine téléphonique. Ils aimeraient réaliser des essais cliniques. Est-ce le fait de flirter avec une infirmière qui produit tous ses bienfaits? Ou suffit-il simplement de tomber amoureux? Elle déclenche la délivrance de mes souffrances. Les douleurs, elle les extermine. Jasmine, c'est ma morphine. Elle me bombarde d'endorphines. C'est ma dope, ma vitamine, c'est ma dopamine.